de t'attendre. Si c'est ainsi, mais comprendre que l'ennemi n'a pas de voix, n'est pas celle qu'on croit. Pas comprendre que c'est le temps qui nous unira. En dormant, étale toi, étale tendre, ces doigts sont-ils aimants. Qui ressemble au mien et telle jeunesse, je laisse le poids de mon destin entre tes mains. Retiens, retiens-moi pour l'amour de l'autre. Retiens-moi. Pas de ma faute, même si je vois, c'est mon choix, ton cœur aidé. J'appris aussi, je crois, que l'amour est parfois ainsi. Et retiens-moi, c'était dit, je sais ton cœur est pris. Et retiens-moi, même si c'est. Quand je suis près de toi, va comprendre si c'est le temps qui nous manquera. Qui s'assemble au mien de vraies caresses, je laisse le poids de son chagrin entre tes mains. Retiens, retiens-moi pour l'amour de l'autre. Retiens-moi. Ce n'est pas de ma faute, même si je vois, c'est mon choix, ton cœur aidé. J'appris aussi, je crois.